Parlez, parlez, parlez. Bon, bon, bon. You must parlez. Parlez, parlez, parlez. Bon, bon, bon. Parlez, parlez. Parlez, parlez. Parlez, parlez, parlez. Bon, bon, bon. Parlez. Parlez, parlez. You must parlez. Bon, bon, bon. You must parlez. Bon, bon, bon. You must parlez. Bon, bon, bon. Parlez, parlez, parlez, parlez, parlez, parlez, parlez. Bon, bon, bon. Parlez, parlez, bon, bon. Parlez, parlez, bon, bon, bon, bon. Parlez, parlez, parlez. You must parlez. Parlez, parlez, parlez. Parlez, parlez, parlez. Parlez, parlez, parlez. Bon, bon, bon. Parlez, parlez. Bon, bon. Parlez, parlez, parlez. Bon, bon, bon. Balle balle, bon bon bon, you must balle, balle balle balle, bon bon bon, balle balle, balle balle, balle balle balle, bon bon bon.